que vous soyez, je vous le fais en français. Mais oui, la confondance d'avance, ça doit quand même chatouiller. Fouiller. C'est le moment où il faut se dire qu'il faut se pas trop déconner. Et quand l'important